Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. C'est l'histoire folle d'une femme très jeune, très ambitieuse, qui promettait de révolutionner les analyses de sang. Une seule goutte de sang et des centaines d'analyses vous seraient délivrées en quelques heures. Autant dire que 100% de la population humaine était concernée. Cela a permis à cette jeune fille, dénommée Elizabeth Holmes, de devenir la plus jeune milliardaire de tous les temps. Milliardaire non héritière. En 2015, elle avait 31 ans, elle pesait 4,5 milliards de dollars. Oui, mais voilà, maintenant Elizabeth Holmes a quitté la rubrique réussite des journaux pour la chronique judiciaire. Son procès vient de s'ouvrir. Elle est tout bonnement accusée d'escroquerie. Dans cette goutte de sang, finalement, elle n'y voyait goutte. Comment cette femme a-t-elle pu abuser la fine fleur de la finance américaine, le monde des start-up, un aéropage de noms ronflants allant de Henry Kissinger à un certain Joe Biden? Cette histoire est le super fail que l'on va vous raconter immédiatement. On a une mission très claire, on sait pourquoi on fait ça. Nous voyons tous les jours ce que ça veut dire pour les gens dans un contexte où on a accès aux soins et où on devrait pouvoir éviter ce que je pense être une torture, la traditionnelle phlébotomie. Et c'est ce sur quoi nous nous focalisons. Et c'est uniquement là-dessus que nous nous focalisons. Parce que si nous pouvons continuer à faire ça, personne après personne, on va réussir cette mission. Je crois qu'il faut croire en soi-même. Je pense qu'il faut avoir la conviction qu'on est capable de faire quelque chose, parce qu'au fond, ça dépend de soi. Je pense que quand on a ce niveau de conviction, on trouve les personnes, ou les ressources, ou les outils qui nous permettent d'y arriver. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce que vous pensez, mais il faut garder cette confiance en soi. Est-ce que vous avez un plan B? Si ça ne marche pas, quelle est votre alternative? Est-ce que vous en avez une? Non, je n'en ai pas, et je pense qu'à la minute où vous avez un plan B, vous admettez que ça ne sera pas un succès. Donc non. On n'est pas très bon en plan B. Vous venez d'entendre Elizabeth Holmes s'exprimer bien avant que le scandale n'éclate. Et oui, car pour comprendre le succès de Theranos, il faut s'intéresser à la personnalité, à l'aura de cette femme, Elizabeth Holmes, qui agissait comme un indicateur de fiabilité, de crédibilité pour les investisseurs qui se sont lancés dans l'aventure. Écoutez Erwan Martin nous l'expliquer, il est expert dans le domaine des biotech. Oui, la personnalité, ça compte parce que pour beaucoup de ces entreprises, en particulier dans le domaine des sciences de la vie, des technologies médicales, c'est des technologies qui sont forcément pointues, qui peuvent être très compliquées, très sophistiquées, et pour lesquelles, si on n'est pas un expert du domaine, et on ne peut pas être expert de tous les domaines, eh bien forcément, on ne va pas comprendre dans le détail en fait ces technologies. Et donc, pour pouvoir évaluer la valeur d'un investissement, la valeur d'une société, on va s'en remettre à des critères un peu indirects. Et par exemple, la personnalité du dirigeant, sa force de conviction, la manière dont il se présente. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'intelligent, quelqu'un qui a une capacité à entraîner une équipe, qui a une capacité à rebondir, quelqu'un qui est résilient. Donc en fait, des choses un petit peu indirectes qui n'ont pas forcément de rapport avec ce qui est le cœur de l'entreprise en question, c'est-à-dire sa technologie. Alors, autre indicateur déterminant, l'entourage de cette femme. Ce qui est très frappant dans le cas de Theranos, c'est que le conseil d'administration de la société était composé d'une dizaine de personnes. Bon, c'est classique. Sur cette dizaine de personnes, il y avait, je crois, une seule personne avec un background médical. Tous les autres membres du conseil n'étaient pas du tout des gens de l'industrie et du domaine. Pire que ça, il y avait, parmi ces membres du conseil, deux personnes, Kissinger, donc Henry Kissinger, et George Shultz, donc deux anciens secrétaires d'État américains, évidemment sans aucune compétence a priori dans le domaine, mais qui, par leur seul nom et leur seule présence, donnaient une espèce d'aura et de crédibilité à l'entreprise. De la même façon, un des investisseurs majeurs qui a intervenu dans Theranos, c'est Larry Ellison, le PDG de Oracle, qui est évidemment un des grands groupes, un des leaders de l'informatique, mais qui n'est absolument pas connu pour son expertise dans le domaine des biotechnologies ou des technologies médicales. Donc on voit bien que pour un investisseur extérieur, Certes, ces gens-là représentent une validation parce qu'on se dit, ben, ces gens-là ne s'associeraient pas avec avec une société comme ça si il n'y avait pas quelque chose. Je ne parle même pas des gens comme Clinton ou Joe Biden qui également étaient présents autour d'Elizabeth Holmes. Au-delà de sa personnalité, un autre élément semble avoir participé à l'engouement médiatique autour de Theranos, la nature présumée désintéressée de cette initiative. Je pense que l'individu est la réponse au challenge de la santé. Mais on ne peut pas engager les individus dans le fait de changer les résultats si les individus n'ont pas accès aux informations dont ils ont besoin. Le droit de protéger sa santé et le bien-être de chaque individu et de ceux qu'on aime est un droit humain fondamental. Une des choses qui est intéressante avec Elizabeth Holmes, c'est qu'elle a importé, en fait, dans le domaine de la biotech et des technologies médicales, elle a importé, en fait, des manières de faire qui viennent plutôt du monde de la technologie de l'Internet, de l'informatique. Elle a effectivement basé une grande partie, en fait, de son discours non pas sur des données scientifiques, des articles scientifiques, des découvertes qu'elle aurait faites ou des recherches qui auraient pu être publiées dans des journaux de référence. L'essentiel de ce qu'elle vendait, de la manière dont elle se présentait, reposait plutôt sur un discours d'abord très charismatique et un petit peu messianique en disant « je ne suis pas là pour faire de l'argent, je suis là pour faire le bien, je suis là pour résoudre des problèmes, quasiment des problèmes de l'humanité, je vais, grâce à ma technologie, nous allons pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre des tests de diagnostic et donc être capable de diagnostiquer et d'identifier de façon beaucoup plus précoce des pathologies » qui, sans ces tests, eh bien, impliquerait des morts plus importantes ou plus précoces des gens en question. Et donc, elle avait tout un discours très messianique et très désintéressé, ce qui n'est évidemment pas forcément le cas. Mais alors, d'où lui est venue cette idée quand même assez étrange de développer des batteries de tests à partir d'une seule goutte de sang ? Le journaliste Clément Perruche revient sur la genèse de cette aventure technologique. Il y a plusieurs histoires à propos de la naissance de cette idée, de ce concept. Alors, il y a des gens qui disent que, en fait, Elizabeth Holmes aurait eu cette idée à Singapour en 2003, parce qu'à l'époque, elle faisait un stage à Singapour. Et en fait, à cette époque-là, la cité-État vivait une épidémie de SRAS. Et en fait, les gens étaient testés avec des écouvillons, donc les mêmes que ceux qu'on utilise lors des tests PCR pour le Covid. Et en fait, lorsqu'elle a vu cette méthode très invasive, finalement, elle s'est dit, bon bah, pourquoi pas développer une méthode qui serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide pour tester et pour détecter les maladies. Elle a aussi raconté que elle avait été traumatisée par les prises de sang lorsqu'elle était plus jeune et que elle avait aussi expliqué que la prise de sang, c'était d'une certaine manière une sorte de torture et que il fallait développer un produit capable de se passer en fait de la prise de sang, que ce soit moins douloureux et plus efficace. D'où l'idée de prendre juste une goutte de sang au bout du doigt et de faire des centaines d'analyses à partir de cette goutte de sang. Projet désintéressé pour sauver l'humanité, vision messianique qui vise à révolutionner le secteur de la technologie médicale. Finalement, Theranos n'aura été rien de tout cela, une simple escroquerie. L'appareil Edison, développé par l'entreprise et censé délivrer des centaines d'analyses à partir d'une seule goutte de sang, fonctionnait tout simplement pas. Parmi les tests délivrés par Theranos, une partie de ces tests était faux, l'autre était produite avec des appareils concurrents comme ceux de Siemens. C'est ce qu'a révélé le journaliste John Carreyrou dans une enquête publiée en 2015 par le Washington Post. Écoutons-le. J'avais suivi de loin, j'étais sur la côte Est, j'étais dans la rédaction du Wall Street Journal à New York, et j'avais suivi de loin le boom qui se passait dans la Silicon Valley. Et en fin 2014, j'ai lu un article dans le New Yorker Magazine sur Elizabeth Holmes. J'avais trouvé cet article déjà un peu bizarre parce que, soi-disant, elle racontait avoir révolutionné cette industrie sans avoir vraiment d'éducation en médecine. Ça faisait 10 ans que j'enquêtais sur la médecine et sur le système de santé américain et ça me paraissait pas réaliste. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un tuyau, un expert avait lu le même article et s'était un peu renseigné et avait appris qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait dans cette société. Il n'avait pas de source directe, mais il entendait des rumeurs et donc il me les a passées et là j'ai commencé à creuser. L'entreprise Theranos n'était pas cotée en bourse, alors elle n'était pas soumise à différentes obligations en matière de fonctionnement de ses tests. Et heureusement pour elle, car ces tests ne fonctionnaient pas du tout. La technologie utilisée par l'entreprise produisait même de faux résultats qui étaient pourtant délivrés à des patients. Alors comment expliquer l'absence de régulation en la matière? On écoute Erwan Martin. Un des mystères un petit peu a priori de l'histoire de Theranos, c'est de se dire, mais alors comment ça se fait que à un moment les autorités n'ont pas sifflé la fin de la partie ou tiré le signal d'alarme et qu'il ait fallu attendre en fait une enquête d'un journaliste pour que le scandale éclate. Je crois que ça, c'est assez révélateur d'un contexte réglementaire qui avait beaucoup de défauts hein, aux États-Unis, un contexte réglementaire dans lequel les tests de diagnostic ne sont pas tous réglementés par la FDA, la Food and Drug Administration. Alors, c'est un contexte assez compliqué, mais dans le cadre duquel les tests qui sont développés par un laboratoire en particulier pour être utilisé dans un laboratoire, pas pour être distribué à des praticiens qui utiliseraient des kits de diagnostic. Donc ces tests développés dans un laboratoire ne sont pas réglementés par la FDA, mais sont réglementés par ce qu'on appelle le CMS. Et le CMS ne va pas forcément faire une vérification de l'efficacité et de la validité de chacun des tests, mais il va plutôt s'assurer que les laboratoires qui les ont développés et qui les exploitent se conforment aux bonnes pratiques de la biologie médicale. Si bien qu'une bonne partie de ces tests, en fait, sont auto-certifiés par ceux qui les ont développés. Et que, de temps en temps, le CMS va faire une inspection, s'assurer que, d'un point de vue documentaire, tout est en ordre, que le laboratoire respecte, en fait, les pratiques qui sont édictées par le CMS, ou ce qu'on appelle le CLIA, mais ne va pas faire de contre-expertise et l'entreprise qui a développé ces tests n'est pas soumise à une batterie d'études cliniques très importantes pour prouver que son test marche. Et comme bien souvent dans le secteur des entreprises innovantes, le scandale Theranos s'appuyait sur un phénomène extrêmement particulier, le FOMO. Qu'est-ce ? Écoutez la définition d'Erwan Martin. Le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de passer à côté du prochain Google ou du prochain Facebook. Et ça, évidemment, aucun investisseur ne veut se dire « j'ai loupé le train ». En l'occurrence, le secteur du diagnostic, c'est quand même une industrie aux États-Unis qui représente plus de 80 milliards de dollars, une énorme industrie, qui est un secteur relativement mature en Europe comme aux États-Unis, avec dans les deux cas et surtout aux États-Unis une espèce d'oligopole en fait, hein, aussi bien du côté des équipementiers que du côté des laboratoires, un oligopole où des gens se partagent finalement un marché énorme sans être beaucoup inquiétés par la concurrence. Donc quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit eh bien moi j'ai une proposition qui va révolutionner ce marché et j'ai la capacité en fait de prendre une énorme part du marché parce que ma technologie est disruptive, forcément ça fait rêver les investisseurs. C'est lié aussi bien sûr à tout un contexte de dérégulation qui permet là aussi de faire rêver sur des profits qui sont liés à un secteur qui va être bousculé par une nouvelle technologie, comme on en a vu dans plein de cas récemment. La morale de cette histoire, c'est que les noms ronflants, les acclamations des plus grands et les cols roulés noirs ne sont pas des gages de sérieux. Que cela nous serve de leçon, l'image, c'est essentiel. À notre époque, ça peut servir à tout, sauf à analyser des gouttes de sang. Superfell a été piétiné par Marie-Claire Oumabadi, gâché par Vivien Demeyer et Thomas Jost, et dévasté par Juliette Devaux à la production. Superfell.